Bonjour, c'est Safia, votre aromathérapeute holistique et coach en nutrition santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'acidose métabolique, à ne pas confondre avec l'acidose sanguine qui est une urgence vitale. Là, on parle d'acidose métabolique, c'est-à-dire qui concerne tout l'organisme, toutes les cellules. Le corps humain est fait pour travailler en état légèrement alcalin. Il faut donc avoir un mode de vie et une alimentation qui va en cette faveur, qui va apporter des ions alcalinisants. Le problème, c'est que de nos jours, notre alimentation industrielle, hyper raffinée, hyper transformée, hyper riche en graisses saturées, trop cuite, en viande, trop pauvre en végétaux, a tendance à acidifier l'organisme. Et c'est une alimentation, un mode de vie avec la pollution qu'il y a autour, etc., qui apporte des ions acidifiants. Et du coup, l'organisme, il tente toujours à rétablir l'équilibre. Et pour ce faire, il va aller essentiellement grignoter dans la masse osseuse des ions positifs qui vont venir tamponner cette acidité. Et les ions positifs qu'on trouve dans les os, c'est le calcium sous forme Ca2+. Alors, pour savoir comment manger en fait alcalinisant, c'est très simple. C'est essentiellement des végétaux. Alors, c'est pas que ça, bien sûr. C'est avoir une alimentation riche en végétaux, en bonne graisse, qui est équilibré en viande, donc que ce soit des viandes qui ne sont pas trop carbonisées, des viandes cuites, grillées à la poêle ou à la vapeur, un poisson à la vapeur, des choses comme ça, mais pas, je pense essentiellement au barbecue. Ça, le barbecue, c'est hyper acidifiant, par exemple. Il faut avoir une alimentation qui n'est pas transformée, qui comporte le moins possible de pesticides, d'engrais chimiques, de produits chimiques en général. Les médicaments aussi sont très acidifiants. Le stress, la pollution, tout nos modes de vie en fait. Donc, pour avoir aussi un mode de vie alcalinisant, il faut un peu plus se mettre au vert. Donc, c'est un mode de vie. Mais c'est pas facile de changer son mode de vie. On va pas du jour au lendemain déménager, aller vivre à la campagne, au milieu des vaches, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Donc, la première chose sur laquelle on peut agir, évidemment, c'est la nutrition. Et ça, c'est le plus gros travail. Donc, alcaliniser ses apports, c'est apporter à l'organisme une alimentation qui ne lui demandera pas un effort supplémentaire pour tamponner cette acidité. Et surtout, qui ne va pas créer de maladies à long terme. Parce que quand l'organisme cherche à tamponner cette acidité, il va creuser, enfin il va grignoter, entre guillemets, là où il peut trouver des ions qui vont tamponner cette acidité. Donc, par exemple, il va prendre le calcium des os sous forme Ca2+. Il va capter les charges positives pour tamponner les charges négatives, mais après la molécule de calcium, ben, elle est là, on ne sait plus quoi en faire, parce qu'elle n'est pas sous forme physiologique, métabolique. Donc elle va être éliminée via l'urine. Donc trop de calcium crée à long terme des calculs rénaux. Mais le plus grave, je dirais, c'est cette perte de calcium osseux. Si vous enlevez le calcium des os, il y a une déminéralisation des os. Et du coup, ostéoporose. Alors, il faut rétablir les choses. Quand vous entendez partout qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour parce que ça contient du calcium et que c'est bon pour les os, c'est pour avoir des os solides et lutter contre l'ostéoporose, c'est archi faux. Retenez bien ça. Archi faux. Pourquoi ? Les produits laitiers sont des aliments acidifiants. Alors, ça dépend sous quelle forme. Ça dépend sous quelle forme, évidemment. Essentiellement le lait, sous la forme de lait. C'est acidifiant. Oui. Maman. Oui. Les produits laitiers sont acidifiants, comme je le disais. Donc, le calcium qui est dans le lait, il n'est pas sous une forme biodisponible, puisque le lait va apporter des ions négatifs. Donc, le calcium présent dans le lait va être utilisé pour tamponner cette acidité, pour retrouver un petit peu l'équilibre. Donc c'est pas un calcium qui va être utilisé pour aller dans les os et consolider les os et participer à la minéralisation osseuse. Donc le calcium du lait, il est complètement inutile en fait. Il ne participe pas du tout à la prévention de l'ostéoporose. Au contraire. Ça a été mis en évidence que dans les pays où on consomme beaucoup de lait, on a corrélé cela avec une augmentation de l'ostéoporose. En revanche, dans les pays où on ne consomme pas du tout de lait, il n'y a quasiment pas d'ostéoporose. Voilà, donc je vous ai donné l'exemple du lait, je vous ai expliqué comment cette désinformation qui existe autour du lait, et maintenant je vous ai expliqué pourquoi il y a cette désinformation, pourquoi on entend partout que le lait c'est bon pour la santé. Il faut savoir que dans les années 50, l'industrie du lait avait des stocks à écouler, d'énormes stocks à écouler. On est en la période après-guerre et du coup, voilà, c'est l'économie à relancer. Donc, on va tout faire pour financer une propagande pro-lait. Donc, on va travailler avec les gouvernements. Je dis « on », c'est l'industrie du lait, hein, qui va travailler avec les gouvernements pour inciter les gens à boire du lait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend partout qu'il faut manger 3 produits laitiers par jour. Cela découle des recommandations du PNNS. Le PNNS, c'est le Programme National de Nutrition Santé. C'est un programme, une organisation officielle qui se dit, en fait, qui se proclame l'autorité nationale en matière de nutrition. Maman. et qui propose en fait des recommandations. C'est eux qui font les recommandations en matière de nutrition infantile, de nutrition dans les écoles, dans les hôpitaux, et qui propage en fait ces spots publicitaires, cette propagande. Ce qu'il faut savoir, je vous en parle parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Moi, j'ai fait des études de nutrition. Les études de nutrition sont complètement contrôlées par l'État et par du coup ce genre d'organisme. Et durant mes études, je me suis rendu compte en fait que les industriels agroalimentaires ont la même mise en fait sur ce PNNS et sur toutes les directives qui peuvent exister en matière de nutrition. Par exemple, dans la formation de nutrition, on va envoyer un représentant de Kellogg's à des futurs nutritionnistes pour dire qu'il faut prescrire des céréales Kellogg's hyper sucrées, hyper raffinées, hyper riches en mauvaises graisses, en disant que ça, c'est bon pour la santé parce que ça s'inscrit dans une démarche, dans une nutrition équilibrée, puisque ce sont des céréales. Donc là, on marche complètement sur la tête. Je vous assure, on nous a bloqué une demi-journée de cours pour qu'une représentante de Kellogg's vienne nous faire du lavage de cerveau, littéralement. Hein. Donc ça, bon, ça, je l'ai vu à cette échelle-là, puis je l'ai vu au niveau hospitalier aussi. Donc c'est des choses que j'ai vécues, donc je vous parle de choses vécues, c'est pas de la conjecture. Et donc quand on a, c'est comme partout, quand on a un lobby tellement puissant qui peut contrôler les directives officielles, eh bien on arrive à diriger les gens vers une pseudo-nutrition équilibrée qui n'en est pas une. Donc on vous dit tout le contraire de ce qu'il faut. On vous dit qu'il ne faut pas se supplémenter en vitamines et minéraux parce que ça sert à rien, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que l'alimentation actuelle ne permet plus de couvrir les besoins en vitamines et minéraux de la population, puisque les sols sont tellement appauvris que les légumes et les fruits ne contiennent plus suffisamment de nutriments. Donc les animaux qui consomment aussi ces végétaux-là ne peuvent plus produire suffisamment de vitamines et de minéraux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une agriculture à échelle industrielle, hyper violente, qui ne respecte pas du tout les cycles naturels. Donc on appauvrit complètement les sols. Et ça, on ne vous le dit pas. Mais on vous dit, ah non, ça ne sert à rien de vous supplémenter en vitamines et minéraux, par exemple. Deuxième exemple, le lait. On vous dit qu'il faut en boire beaucoup parce que c'est bon pour la santé, ça lutte contre l'ostéoporose, alors que c'est complètement faux. Mais ce que je vous dis là, ça sort pas de ma tête, c'est pas une hypothèse, hein. Ça a été prouvé par des études scientifiques, hein. Pareil avec la viande, on vous dit qu'il faut manger un VPO, ils appellent ça, c'est-à-dire soit une viande, poisson ou œuf à chaque repas. Mais dans la culture française, c'est essentiellement de la viande. Sauf qu'on vous dit pas que normalement, il faut pas manger plus d'un petit morceau de viande par jour. Je dis pas qu'il faut devenir végétarien. Je suis pas dans cette dynamique-là, parce que la viande contient quand même de la vitamine B12 qui est essentielle et qui est sous une forme mieux biodisponible que dans les végétaux. Donc, et puis ça contient aussi un fer qui est biodisponible, donc je dis pas qu'il faut pas en consommer, mais je dis que ça dépend du mode de cuisson et puis ça dépend de la quantité aussi. Donc voilà, c'est plein de désinformations. Là je vous ai donné l'exemple du lait. Dans cet exemple là en fait très particulier de l'acidose métabolique, mais je reviendrai avec d'autres exemples dans la suite de ces podcasts. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soignez-vous bien.